Book 2 13 عشر. Treize. الأنشطة والأعمال. Les activités. Les activités. ماذا تعمل مارتا؟ Que fait Marthe? Que fait Marthe? هي تشتغل في المكتب. Elle travaille dans un bureau. Elle travaille dans un bureau. هي تشتغل على الكمبيوتر. Elle travaille sur un ordinateur. Elle travaille sur un ordinateur. أين مارتا؟ Où est Marthe? Où est Marthe? في السينما. Au cinéma. Au cinéma. هي تشاهد فيلما. Elle regarde un film. Elle regarde un film. ماذا يعمل بيتر؟ Que fait Pierre? Que fait Pierre? هو يدرس في الجامعة. Il étudie à l'université. Il étudie à l'université. هو يدرس لغات. Il étudie les langues. Il étudie les langues. أين بيتر؟ Où est Pierre? Où est Pierre? في المقهى. Au café. Au café. هو يشرب قهوة. Il boit du café. Il boit du café. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Où aime-t-il aller? Où aime-t-il aller? إلى الحفلة الموسيقية. Au concert. Au concert. يحبون سماع الموسيقى. Ils aiment écouter de la musique. Ils aiment écouter de la musique. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Où n'aiment-ils pas aller? Où n'aiment-ils pas aller? إلى الديسكو. Dans les discothèques. Dans les discothèques. هم لا يحبون الرقص. Ils n'aiment pas danser. Ils n'aiment pas danser.